Bonjour, aujourd'hui on est le dimanche 15 avril 2018 et je voulais revenir sur les manifestations qui ont eu lieu hier à Nantes le 14 avril. Il y avait deux manifestations, la première qui était à l'appel des travailleurs en lutte de la SNCF pour montrer notre soutien à la lutte qu'ils mènent contre la casse sociale et la casse du service public de cette entreprise. Et puis il y avait une deuxième manifestation dans un second temps qui était à l'appel de la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes pour montrer le soutien contre les expulsions qui ont lieu, les expulsions militaires ultra-violentes qui ont lieu depuis une semaine sur place. Donc je voulais revenir sur cette manifestation, particulièrement la seconde partie, puisque la première partie s'est passée relativement sans trop de problèmes, même si j'avoue avoir été un peu interloqué en passant d'abord par le côté... Pardon, je suis désolée. J'étais déjà malade, mais alors, ce que j'ai vécu hier, ça sûrement pas arranger les choses au niveau des bronches. Ça tourne un peu, pardon. Donc, voilà. Voilà, donc j'étais arrivée par le côté 50 otages Strasbourg, qui était plutôt un dispositif policier allégé. Au départ, j'ai vraiment cru que, comme ça avait été le cas quelques fois auparavant, il y allait y avoir très très peu de dispositifs policiers, ce qui m'a étonnée. Mais voilà, c'est vraiment ce que j'espérais, puisque à chaque fois qu'il n'y a quasiment pas de dispositif policier, en fait, il n'y a quasiment pas de problème. On peut manifester bien, il n'y a pas, enfin, voilà, il n'y a pas de stress, et surtout, il n'y a pas tant de dégradation de ça, il y a des slogans sur les murs, etc. Il peut y avoir deux, trois vitres étoilées qui sont très ciblées. Mais voilà, ça va pas plus loin que ça et la ville n'est pas en état de siège, en état de guerre, quoi. C'est seulement quand il y a la position très très très appuyée des policiers qui commencent à balancer des lacrymos partout que ça part en vrille directe, quoi. Et ça, faut vraiment vraiment vraiment venir voir sur place pour s'en rendre compte. Tant qu'on ne regarde que les infos, on a l'impression qu'en fait cette présence policière est là pour faire du maintien de l'ordre. En fait, moi, ce que je constate depuis des années de manière flagrante, c'est qu'il y a une sur militarisation qui entraîne un combat, puisqu'en fait, du coup, ça entraîne des réponses, et c'est clairement désormais la surmilitarisation qui provoque l'état de siège qu'on peut connaître, que ce soit à Nantes ou à Notre-Dame-des-Landes. Et c'est flagrant en fait. Du coup, comment vous expliquer? Hier, ça a été vraiment particulier parce que, voilà, arrivé vers. Au fur et à mesure qu'on allait depuis la place du Cercle où était le rendez-vous, qu'on arrivait place du Commerce, en fait, là, il y avait des blocs, des axes complètement bloqués. On se rendait compte qu'il y avait plusieurs canons à eau. Quelqu'un en a compté 6, je crois. Une présence donc policière massive, etc. Donc on a fait un premier tour. Relativement, ça a été quoi. C'était, il n'y avait pas, il y avait du monde. Bon, c'était pas non plus une manif énorme. Et puis on a réussi à rejoindre à nouveau le point de rendez-vous pour le deuxième départ de la place du Cercle. Ça a été un peu compliqué pour le rejoindre. Mais surtout, là, donc, ça a grossi très très vite le cortège en fait. Ça a dû tripler, quadrupler, je sais pas, je pense qu'on était facilement 10 000 à un moment. Peut-être même plus, je suis incapable de dire, parce qu'en fait, c'était pas une manif linéaire, donc avec un cortège assez long que tu peux compter. C'était plutôt très rond, c'est-à-dire qu'en fait, ça se dispatchait un peu dans tous les coins. C'était très étalé. Donc voilà, on a commencé à nouveau repartir en manifestation. Il y avait vraiment tous les types de publics, c'était très très mélangé. Familial, pacifiste, des gens qui étaient en train de se changer, s'habiller en noir. Donc tu sais que c'est des personnes qui sont prêtes à comment dire, prendre en main le côté plus dur de la manifestation s'il y a besoin. Je vais pas m'étaler là-dessus. Il y a déjà, si vraiment vous êtes intéressé pour comprendre ce qui est dénommé Black Bloc et ce que ça fait réellement, et non pas de manière fantasmée, dans une manifestation, il y a beaucoup de textes qui ont été écrits depuis, de déconstruction en particulier. Il y a une chercheuse sociologue nantaise, je ne sais plus son nom en tête, je vous mettrai les références si besoin, qui a vraiment bien expliqué et décortiqué ce qui se passait. Je vous conseille aussi un texte excellent qui s'appelle La non-violence doit accepter. La pluralité des formes de lutte que l'on peut retrouver facilement sur Reporter, un texte de Juliette Rousseau, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup de choses qui déconstruisent le mythe du black bloc violent, parce qu'en fait, non, c'est pas ça, enfin, c'est pas aussi binaire que ça, quoi. Toujours est-il que, voilà, là, du coup, c'était très, très mélangé, et on est arrivé au niveau du miroir d'eau, et pour aller plus loin, donc, château, etc., et on s'est retrouvé bloqué, complètement bloqué. On ne pouvait plus avancer. J'étais pas devant, donc je ne peux pas dire comment ça s'est passé devant. Mais on ne pouvait pas avancer ni sur l'axe pour aller à la SNCF, ce qui je crois n'était pas le but, ni sur l'axe pour passer le long du cours de Louis, comment on appelle ça? Enfin là où il y a la foire et tout en ce moment, etc. Donc on était bloqué, ça a du coup créé un point de tension, je pense, devant. C'est assez indéniable. Je vois pas comment ça pourrait être autrement. Et en fait, il a commencé à avoir usage des lacrymos. Mais en fait, les lacrymos ont été envoyés dans tous les sens. Et c'est là que je ne comprends absolument pas les objectifs de la police et des stratégies qui ont été utilisées en haut lieu. Sauf à imaginer qu'il n'y en ait pas. Ou, enfin, les deux seules solutions que je vois par rapport à ce que j'ai pu observer, c'est soit il n'y avait pas de stratégie. Soit la stratégie était de faire paniquer l'ensemble de des personnes qui manifestaient. Mais vraiment, il n'y avait pas d'autre possibilité que ça. C'est-à-dire que moi, je fais partie des personnes qui sont handicapées et qui vont quand même en manif et que on en chie, hein, que ce soit au niveau des bronches ou au niveau du corps. Moi personnellement, il me faut généralement au moins 2 jours pour me remettre d'une manifestation. Ce qui fait que je ne suis jamais aux endroits où il y a des affrontements parce que je ne peux pas courir. Et étant photographe, j'ai vraiment normalement l'instinct, enfin plus que l'instinct, mais mon observation me permet de savoir où aller pour être en sécurité, où emmener des gens pour être en sécurité et ne pas se retrouver au milieu des affrontements. Hier, c'était totalement impossible. À chaque fois qu'on était gazé, donc on partait dans un sens, ce coin-là, où allaient du coup spontanément les personnes les moins valides ou les moins téméraires, était gazé aussi. Et recevait une pluie de lacrymogènes, mais il y a eu un nombre de cartouches de lacrymogènes qui ont été balancées. J'ai rarement vu ça, sauf, ça m'a, en fait, assez rapidement, je me suis rappelé du 22 février 2014. Et on s'est retrouvé dans un contexte tout aussi oppressif, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de manifestants. Et avec un front qui était initialement, au moment où a été déclenchée l'attaque par la police, il n'y avait rien qui avait été dégradé de ce que j'avais vu, de ce qu'on a tous pu constater. Il y a eu quelques slogans tagués sur les murs, et basta! Rien! Et donc ils ont gazé à tout bout de champ, dans tous les sens. Moi, j'ai vu des trucs tomber à mes pieds alors que j'étais mais au milieu d'endroits où il se passait rien. Donc voilà, on s'est replié une première fois. Cet endroit-là a été gazé. On s'est replié une deuxième fois. Au fur et à mesure, en fait, ils nous menaient, je pense, pour passer derrière le bloc Carrefour, la machin chose et tout. Sauf qu'en fait, on était plein à prévenir les gens, à dire n'allez pas dans ce coin-là parce que vous allez vous retrouver bloqué par le rail, par l'axe. De chemin de fer qui passe, et ce qui fait qu'on se retrouve dans un goulot d'étranglement où soit on va vers le CHU, soit on est obligé de passer par un tout petit passage. Et on savait que le coin CHU était bloqué par les flics, puisqu'on l'avait vu en passant par le coin commerce. Donc on avait, Enfin, voilà, on sentait qu'on allait être acculé dans quelque chose qui était un cul-de-sac. Et en allant vers cet axe-là, on voyait qu'en plus, il était gazé lui aussi, quoi. Donc voilà, on passe d'un premier point, un deuxième point qui se fait gazer, troisième point qui se fait gazer, pour se retrouver, du coup, voilà, sur ce goulot où on voulait surtout pas aller. Et ça se fait à nouveau gazer, mais enfin, devant, derrière, sur le côté. Tous les côtés se font gazer. Donc on est en panique, enfin, des personnes comme moi sommes en panique totale. Les seules personnes qui arrivent à aider les gens et à bouger et à faire des choses sont les personnes qui ont l'habitude d'être en frontal avec les flics. C'est le cas, je vais pas mâcher mes mots, hein, parce que de toute façon, c'est ça. Et qui, du coup, peuvent aider les personnes qui sont en train de paniquer, ainsi que les médics, qui sont en train de paniquer pour les dégager, pour essayer de faire des choses. Sauf que là, en fait, on pouvait rien faire. Donc moi, je me suis retrouvée avec plein d'autres. En fait, il y a des moments, il n'y avait plus de queue ou de tête de cortège où tout le monde était mélangé. Et on se retrouve du coup sur le deuxième moment, au deuxième grosse salle de gaz, à passer le long du petit parc qui est là avec des animaux en bois et tout là. Et en fait, il y a des familles, il y a des mômes qui sont en train de jouer, il y a des familles qui visiblement sont totalement, absolument pas conscientes de ce qui est en train de se passer. Et donc je me mets à hurler en direction des familles, en direction des mômes, pour leur dire, mais partez, sortez de là, parce que le gaz était en train d'arriver en fait. Donc c'était la deuxième salve de gaz, ouais. Et le gaz était en train d'arriver sur le parc. Surtout cette aire-là, entre le miroir d'eau et le parc, quoi. Donc je leur hurle dessus, donc d'autres personnes se mettent à hurler, comprennent ce qui est en train de se passer, se mettent à hurler, demandent aux gens de partir, aux familles de partir. Heureusement, là, il y a pareil des personnes habillées en noir qui sautent par-dessus les barrières pour aller aider les familles, parce qu'il faut rassembler les mômes, il y a des poussettes, des choses comme ça et tout. Donc pour aller les aider à sortir du parc, parce qu'en fait, tout le monde allait se faire à être pris dans le truc de gaz monstrueux qui arrivait, quoi. Donc on arrive, il y a des gens qui arrivent à les dégager. Moi, j'essaye de toute façon de ne pas courir, parce que bah, si je cours, en fait, j'ai... Enfin voilà, je ne vais pas donner de détails, mais je ne peux pas courir. Et on essaye d'avancer, j'essaye de ne pas paniquer, sauf que je commence à sentir monter quelque chose de... J'ai jamais vécu ça, en fait, un truc où on se sent à ce point, on peut aller nulle part. Et donc on avance vers ce troisième point, là, qui est un peu plus loin, du coup, qui est l'axe qui passe derrière, le carré Feydeau. Et là, à nouveau, donc, salve de gaz dans tous les sens, devant, derrière, sur le côté, partout. Et en fait, il y avait, je ne sais pas, pour les personnes qui habitent pour Nantes, je vais essayer de te décrire précisément. C'est un axe routier, on va dire. Sur ma gauche, il y a le trottoir avec quelques arbres, un truc qui n'est pas super large, hein, où il y a, je sais pas, la place pour mettre 6 personnes, mais il y a plein d'arbres, il y a des... bosquets, des trucs comme ça et tout. Et puis bah là, on se retrouve sur un mur avec une grande grille, vraiment haute, pas facile à franchir, et qui de toute façon ne faut surtout pas franchir, parce que sinon on tombe quelques mètres plus bas sur une voie ferrée. Donc en fait, on ne peut pas avancer sur ce côté-là. Et là, contre le trottoir, il y a des dizaines de véhicules de flics, avec les flics à l'intérieur qui sont là. Devant, il y a quelque chose qui est bloqué, on le sait, plus loin, par tout un truc de dispositif policier. En tous les cas, c'est ce qu'on avait vu en passant par commerce. Sur la droite, on ne peut pas y aller, donc il y a la route devant. Sur la droite, on ne peut pas y aller puisque c'est gazé complètement. En fait, il y a un mur de gaz qui est en train de s'élever et on ne peut pas rebrousser le chemin puisque derrière nous, on a aussi un mur de gaz. Donc en fait, à ce moment-là, on se retrouve avec la seule solution qui est soit de rester dans un mur de gaz qui est sur notre droite, qui est vraiment super épais, donc c'est un truc à ce qu'on se mette à vomir tellement c'est super épais, c'est totalement paniquant. On n'a pas de masque à gaz, on n'a rien, hein, la plupart d'entre nous. Soit on va essayer de passer entre les fourgons de flics, donc en ayant quand même pas mal la trouille, pour se retrouver dans un espace où on va se retrouver entre un fourgon de flics, entre des fourgons de flics, un mur de flics, et un mur qu'on ne peut pas franchir, sachant très bien que de toute façon, vu le sens du vent, on va là aussi se prendre le gaz. Mais en fait, il y a moins de gaz, donc on est plein à essayer d'y aller, y aller. Ce qui est du coup, pour toutes les personnes qui sont à validité réduite, une cata aussi, parce qu'on n'arrive pas trop à passer, que c'est très dur de ne pas paniquer. On commence à y aller, et là, en fait, Visiblement, les flics qui étaient dans les camions ne savaient pas ce qui allait se passer, puisque ils regardent dans tous les sens. Moi, je croise les regards dans un des camions. Et ils décident de sortir avec la matraque. Et ils commencent à matraquer tout le monde. Alors que on est sur le. Enfin, on n'a pas le choix, quoi. Et qu'on est tous mélangés et qu'il y a plein de public et tout. On se met à hurler, à expliquer que parmi nous, il y a des familles, qu'il y a des mômes, que. Enfin voilà, il y a tous ceux qui se sont retrouvés pris dans ce dispositif, alors qu'ils n'étaient absolument pas là pour manifester, puisque sur le carré Feydeau, c'est un carré très familial, avec plein de jeunes qui viennent jouer au foot, parler, des familles qui viennent de se reposer, profiter du miroir d'eau. Il y a tout ce public-là qui est mélangé avec nous, quoi. Donc on se met à hurler, à dire stop, arrêtez. Arrêter les gaz, arrêter les matraques et tout. Moi, je me retrouve avec une matraque à 20 cm de mon crâne. J'ai vraiment, mais flippé comme jamais. Je ne pouvais pas reculer puisque j'étais bloqué par les trucs qui sont attachés derrière les fourgons de flics. J'ai essayé de passer. J'ai été poussé par un flic. J'ai failli tomber. Bon, je vais quand même le dire. Si je tombe, j'ai mes rotules qui pètent en fait. Donc, ça veut dire que je suis immobilisé total. Donc, panique absolue. Je regarde le flic dans les yeux, je me mets à hurler, à pleurer, à dire, mais il y a des enfants, arrêtez, vous vous rendez pas compte de ce que vous faites. Le bras est descendu, je sais pas comment, voilà, je pense que j'ai eu de la chance, vraiment. Et il y a quelqu'un de l'équipe médique qui est venu prendre le relais, qui m'a aidé un tout petit peu à moins paniquer, mais ça a été compliqué parce qu'en fait on n'avait pas d'issue donc moi je demandais juste à sortir de la manif, à aller partir dans un autre endroit. Donc on réussit à calmer le jeu et tout. On est quelques-uns à réussir à se diriger vers le coin. Du coup là ça fait aller vers Feydeau, non pas Feydeau. Je suis désolée parce que du coup il y a l'état d'hier qui est en train de remonter en parlant et du coup j'ai du mal à garder mon esprit calme. Donc voilà, aller vers. Oh putain. Bon, à se dégager, je veux dire ça. Essayer d'aller vers commerce, tout ce coin-là et tout. Et en fait, partout où on allait, on voyait les flics avancer. En fait, c'est comme s'il y avait une nasse géante autour du cœur de Nantes qui prenait tout le monde, en fait, où que tu ailles, de toute façon. Donc, on est allé, on allongeait les bars et tout, là où il y a le Flesselles, tout ça. Et en fait, en passant, je hurlais aux gens, rentrez, emmenez les verres avec vous, rentrez, fermez les portes. Pareil, un peu plus loin, du coup, en allant vers commerce, à dire à tous les gens qui avaient des magasins et tout, s'il vous plaît, rentrez les choses qui craignent, fermez les portes, le gaz arrive, etc. Ils étaient assez incrédules parce qu'ils se disaient, mais non, c'est plus loin, la manif, ça va pas nous toucher. Et moi, en fait, j'étais en panique parce que je voyais se refaire ce que j'avais vu en février, le 22 février 2014, et je le sentais vraiment arriver, quoi. Du coup, je leur disais de ne pas paniquer, de rester à l'intérieur, de fermer les fenêtres, de fermer les portes, de laisser rentrer les gens pour se protéger, mais quand même, de rentrer tout ce qu'ils craignaient d'urgence, parce que ça allait arriver. J'arrive sur la place du commerce, donc j'étais avec un ami qui m'a beaucoup soutenu, et merci, merci, merci, merci à cette personne, quoi. Et on se retrouve bah, au niveau de l'île aux fleurs, par exemple, où pareil, je discute avec une personne qui est là et qui dit, bah, non, a priori, moi, j'ai pas à bouger. Enfin, on n'est pas en train de manifester, la place est calme, il n'y a pas de souci. On lui a proposé en fait de l'aider à rentrer ses plantes, et puis bah non, elle ne voyait pas le danger, elle avait tout à fait raison dans le monde raisonnable qui est censé exister, quoi. Et donc on la laisse, moi je vais me réfugier dans un bar, et là en fait, au fur et à mesure de ce qu'on entend, les flics ont fait des descentes partout, la BAC a bloqué des trucs, donc on s'est retrouvé avec la BAC qui bloquait la rue de là où j'étais par exemple. Et apparemment, c'est arrivé sur d'autres endroits. Ils essayaient de faire des arrestations. Ça a été la panique. Ils ont gazé plein d'endroits. Ils ont gazé plein de terrasses, dont les terrasses de commerce, Place Royale, etc. Où tu avais les gens qui étaient peinards et qui ne comprenaient absolument pas ce qui était en train de se passer. Et en fait, c'était essentiellement parce qu'il y avait des manifestants. Mais de. Enfin, tout ce que ça a eu comme effet, en fait, cette stratégie, ça a été de faire paniquer les gens. Sauf qu'en fait, ce que semble pas comprendre la hiérarchie policière et au-dessus, au niveau de l'État, ou je ne sais trop qui, c'est qu'en fait, à force de nous gazer comme ça, à force de nous faire peur et tout, c'est pas du tout le fait Ok, il y a moins de gens qui vont manifester. Sauf qu'on est en train de devenir aguerri. C'est-à-dire que désormais, il y a un truc de ok, la condition pour aller manifester, c'est qu'on va se faire gazer. Eh ben, on va s'organiser pour moins souffrir des gaz. Là, en plus, ce que ça a provoqué, c'est que ça a explosé tous les groupes. C'est-à-dire que les groupes qui s'autorégulent entre eux, qui ont des interactions entre eux, et qui font que, au final, une manif va pouvoir fonctionner de manière plutôt autogérée, avec, oui, des slogans sur les murs, avec, oui, peut-être une ou deux vitres étoilées, mais que ça va être très ciblé politiquement, et que ça va aller pour la ville, pour les habitants, etc. Que ça va être juste du dégât matériel, mais pas énorme. Faut arrêter, c'est vraiment que dalle, quoi, par rapport à ce qu'ils peuvent dépenser dans d'autres merdes. Bref, tant qu'il n'y a pas les flics et tout, c'est à peu près autorégulé une manifestation parce que les groupes interagissent ensemble. Là, ce genre de stratégie-là, ça explose les groupes. Ce qui fait que du coup, les gens qui sont plus déterminés et qui sont capables d'affronter les flics et qui ont vraiment envie de dire des trucs super forts, et ben là, ils vont se lâcher tellement ils sont énervés de voir des mômes, des adultes, leurs parents, leurs grands-parents, des personnes en fauteuil roulant, etc., se faire gazer, matraquer sous leurs yeux. Comment voulez-vous que ces personnes-là se contiennent ensuite dans une ville? C'est juste impossible. Donc à un moment, ceux qui foutent la merde, vraiment, c'est ceux qui déclenchent des dispositifs policiers comme ça. Et je voudrais terminer, parce que moi j'ai pas vécu le reste, et je regarde là les témoignages qui sont mis partout sur les réseaux sociaux et tout, et qu'on va une fois de plus pas être capable de rassembler tout ça parce que bah voilà, les gens utilisent les réseaux sociaux par-ci, par-là, et qu'on n'arrive pas à tout rassembler. Mais je pense que si on arrivait à rassembler tous ces témoignages, on aurait une vision exacte de ce qu'a provoqué le dispositif policier complètement hallucinant hier sur Nantes. Et que c'est vraiment ça. Si la ville, s'il y a des gens qui sont choqués actuellement à Nantes de ce qui s'est passé hier à la manif, c'est vraiment ce dispositif policier qui a provoqué ça et rien d'autre. S'il n'y avait eu quasiment pas de dispositif policier, la ville y aurait eu juste quelques tags, quelques vitres vitrines fendues et basta. Là, mais c'est n'importe quoi. Et donc, je voulais terminer là-dessus parce qu'il y a eu une injonction comme année après année d'élections présidentielles, sur le second tour, il y a une injonction à voter utile pour empêcher le Front National d'avancer. Je ne sais pas si vous êtes conscient du taux de vote de Front National au sein de la police, de la gendarmerie désormais. Elle était à peu près épargnée par ça. Et elle aussi, en fait, au fur et à mesure, le taux de vote a énormément augmenté. Le taux de représentation FN. Il y a des gens là qui témoignent, par exemple, sur Twitter, pour dire qu'en fait, les flics étaient complètement décomplexés hier sur cette parole-là. Et qu'en fait, ils les renvoyaient à, eh ben, voilà, ce qui vous arrive, il fallait mieux voter aux dernières présidentielles, quoi. Et les flics se lâchent complètement sur cette parole-là, quoi. Et franchement, si vous vous rendez pas compte que actuellement, si il y a un tel truc de force et qui se met en place, en fait, allô Macron, là, t'es en train d'utiliser des forces du FN pour réprimer des gens qui se battent pour l'écologie, pour le social. T'es en train de faire ça exactement, Macron, comme tes prédécesseurs. Soi-disant que vous êtes contre le FN, vous êtes main liée avec le FN, avec l'extrême droite. Vous utilisez l'outil préféré de l'extrême droite pour attaquer des mouvements sociaux et des mouvements écologistes de progrès social. C'est exactement ça qui est en train de se passer. Alors, franchement, ok, pour l'instant, ils ne nous tirent pas dessus avec des balles réelles. Mais au fur et à mesure, il y a un nombre de blessés, de mutilés dans ces manifestations qui est énorme. Il y a un nombre de personnes avec des injonctions à comparaître, des assignations, etc. Quand on voit comment les dossiers, certains sont montés avec des fausses preuves, quand on voit comment tout ce qui concerne Tarnac, allez lire ce qui s'est passé par rapport à Tarnac. C'est hallucinant comment les preuves ont été fabriquées, comment il y a une utilisation de la justice pour faire croire à un terrorisme d'ultra-gauche qui est archi faux. Les gens qui s'organisent à gauche ou à NAR ou etc., sont pas des terroristes. Ça s'appelle de l'opposition politique. C'est quelque chose de normal. Ça n'a rien de terrorisme. Les gens théorisent sur des concepts politiques. Les gens souhaitent une insurrection parce qu'en fait, ils ne voient plus d'autre voie. Moi, je ne fais pas partie des insurrectionnalistes, étonnamment. Je sais que ça surprend tout le monde quand je dis ça. Moi, je fais partie des personnes qui veulent juste avoir un monde juste, un monde où il n'y a pas autant de disparités, où on n'est pas écrasé par la puissance financière et la puissance policière. Sauf qu'en fait, on n'a plus le choix que de lutter actuellement. On est en train de perdre tous les acquis sociaux, on est en train de perdre la notion aussi de la richesse de la France par rapport au monde, et à quel point même une personne qui a 3 000 euros en France et qui s'estime pas riche, en fait elle est monstrueusement riche sur le plan planétaire, à quel point les 2/3 de ce qu'elle gagne est dû au sang et à la sueur des esclaves des autres pays et de ce qu'on vole dans les autres pays, à quel point en fait on n'a pas le choix que de lutter pour ceux d'en bas partout dans le monde. Il n'y a pas le choix. Et nous sommes juste des opposants politiques, rien d'autre. Pas des terroristes, pas des. C'est pas la terreur qu'on veut semer, nous. C'est pas ça. C'est en face qui sème la terreur, parmi nous et parmi vous par rebond, si jamais vous n'êtes pas encore en lutte. C'est ça qui est en train de se passer. Voilà. Hier, j'ai eu la peur de ma vie en manif, mais c'est pas pour autant qu'on va arrêter. Là, la ZAD se fait massacrer, mais c'est pas pour autant qu'on va arrêter. Il y a plein de personnes qui disent, mais pourquoi vous restez à la ZAD? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi ne pas rester sur des terrains en ne faisant de mal à personne? Les choses qui sont produites à la ZAD servent à la ZAD et servent à des endroits qui, de toute façon, n'auront pas les moyens d'acheter les super produits manufacturés ailleurs. C'est pour les plus pauvres. C'est pour ceux qui sont en bas. Ah merde, désolé, j'avais oublié d'éteindre le son. Mais voilà. Et pourquoi est-ce que les personnes qui sont là-bas devraient partir alors qu'elles ont construit des choses? Alors, il y a, par exemple, pour vous donner un exemple, l'endroit qui se fait énormément gazer en ce moment, c'est les Vrais Rouges. C'est là où il y avait le jardin, je dis il y avait parce qu'il est mort. Il y avait le jardin des plantes médicinales. Des plantes médicinales, bon sang. C'est là où il y avait, juste à côté, des cultures de trucs bio et tout, enfin, qui nourrissaient les gens de la zone et les endroits les plus pauvres. Les endroits où il y a les laissés pour compte. Ces personnes-là ne font rien de mal contre la société. Rien de mal. Elles ne rentrent pas dans le système capitaliste. C'est tout. Mais elles ne vous font aucunement concurrence. Les terres sur lesquelles elles sont, qu'elles ont protégées et pour lesquelles il n'y aura pas d'aéroport, ce qui prouve le bien fondé du temps qu'elles ont offert à cette lutte. Bénévolement, toutes les personnes là-bas sont bénévoles. Elles sont RSA? Non! Mais il n'y a même pas 1/3 des personnes, je pense, qui sont au RSA là-bas. Toutes les personnes qui ont moins de 25 ans, elles ne peuvent pas toucher le RSA. Il y en a plein qui ont lâché le RSA pour devenir encore plus proches de ce qu'elles souhaitent. Et déjà, au niveau national, il y a 36% des gens qui ne demandent pas le RSA alors qu'ils y ont droit. Déjà, une personne sur trois ne le fait pas. Là-bas, c'est encore plus. Bon sang, arrêtez de critiquer ceux qui sont en bas en disant, ah, ils profitent de quoi? Ils n'ont rien. Et ils font à partir de rien quelque chose de la solidarité et de l'autonomisation. Et elle est très faible. C'est quoi? C'est des patates, c'est des oignons, c'est. Bon sang. Et tout le monde n'a pas forcément comme rêve de devenir agriculteur, mais peut faire des choses quand même, quoi. T'apprends là-bas à construire du terre-paille, tu te rends compte de ce que c'est? C'est magnifique et c'est ces maisons-là qui sont en train de détruire des trucs qui sont étudiés par les architectes comme étant un mouvement de construction socio quelque chose de très important. La notion d'architecture et du rapport à l'élément et de revenir avec les matériaux locaux pour faire une construction pérenne et non impactante sur l'environnement. avec de la récupération. Ça, c'est quelque chose qui est utilisé par les super architectes qui construisent la ville de Nantes. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est une richesse d'avoir quelque chose comme la zone à défendre, la ZAD? C'est une richesse pour nous tous et toutes, même vous qui êtes persuadés que, en fait, ce ne sont que des squatteurs qui ne font rien. C'est une richesse même pour vous, vous en recevez l'usufruit de cette zone-là, quoi. Alors arrêtez ça, arrêtez de croire que il n'y a que des punks à chiens ou n'importe quoi de ce truc aussi délétère que ça, quoi. C'est pas vrai, il y a plein de gens très différents. La zone, en plus, a attiré beaucoup de gens qui étaient cassés socialement. Donc oui, il y a effectivement, à la base, quand les personnes arrivent, plus de gens qui ont des problèmes avec l'alcool, ou ci, ou ça, ou avec l'agressivité. Sauf qu'en fait, la zone, par exemple, est un endroit qui tente, il n'y arrive pas toujours, mais tente de déconstruire toutes ces choses-là. Toute l'agressivité envers les femmes, le sexisme, le machisme, tout ce qui est... comment dire? Pas, je vais pas dire que ça combat l'addiction, mais ça combat le rapport au besoin de consommation frénétique. Ça combat, ça le questionne en fait. Il y a plein de gens qui ont décroché, par exemple, là-bas. Je pense qu'il y a peu d'endroits en France où il y a autant de personnes qui peuvent avoir des problèmes, effectivement, et qui décrochent. C'est parce que t'as tant de choses à faire qu'en fait t'as pas envie de te casser la tête tout le temps, c'est pas possible, ni avec de l'alcool, ni avec des dopants. Par contre, tu peux en avoir envie de temps en temps. Ouais, et alors? Comme tout à chacun, comme n'importe quelle personne dans n'importe quelle famille dont vous faites partie. Là-bas, c'est des gens, mais foutez-leur la paix. Ils n'ont rien fait de mal, si ce n'est tenter de trouver des solutions pour ne pas avoir pour avoir le moins possible d'interaction avec le monde capitaliste qui est en place actuellement, et pour avoir aussi le moins d'impact possible sur la nature. C'est loin d'être réussi, c'est loin d'être fini, c'est loin d'être... C'est hyper compliqué. Tout le monde là-bas n'a pas la fibre écolo, désolé. C'est pas un truc obligatoire. T'as pas à être un saint de l'écologie quand t'habites sur la ZAD. Merde! C'est quoi ces obligations de résultat, quoi? Ils ne volent pas vos impôts. Ils font fructifier vos impôts, si tant est que certains les utilisent. Est-ce que vous savez le coût de l'opération policière actuellement sur place? C'est complètement dingue. C'est un truc de... Et ça vous pose pas de questions par rapport aux vos impôts. 4 000 grenades par jour, sachant qu'elles sont entre 30 et 50 euros chacune. Rien que ça. Le salaire des policiers et des gendarmes qui sont présents, avec des méga primes qu'ils ont en plus, parce que pour aller là-bas, ils ont des méga primes, plus le coût des hôtels, plus le coût de l'hélicoptère, de ces trucs-là et tout, les gadgets qui sont en train de tester sur nous, parce qu'en fait, l'opération militaire qui a lieu en ce moment, elle est directement liée du dernier congrès, machin chose, là, rassemblement, comment ça s'appelle, le truc pour les armes, là, les ventes d'armes et tout. Il y avait carrément un récit dans un des trucs de formation qui avait lieu en même temps, et là, ils sont en train de tester plein de gaz, par exemple, pour voir les trucs, ce que ça donne. Je vais arrêter là parce que j'ai vraiment trop mal aux bronches. Mais franchement, je sais pas quoi vous dire. D'autant plus que je sais que ça va sans doute pas être écouté par des personnes qui sont contre les manifestations ou machin, ou très peu. Mais pourtant, c'est vraiment surtout à vous que je m'adresse, toutes les personnes là qui sont en train de dire, ah, il y a eu des casseurs à Nantes hier ou... Non, les casseurs, c'était la police hier. Et comme pas mal de manifs que j'ai vus ces derniers temps. Ça fait des années que je fais des manifs, que je les documente aussi. Et que, bah non, je ne suis pas tout le temps sur les zones de front, mais en fait, je m'y retrouve régulièrement parce que on se retrouve à, par moments, être au mauvais endroit, au mauvais... par rapport à ce que toi, tu as envie de faire, quoi. Et que j'observe le nombre de fois où j'ai vu, en fait, comment les flics provoquent des gens qui sont dans les manifestations, les mutilés, par exemple. Vous savez ce qui se passe pour les mutilés qui sont connus par les flics? À Nantes, il y a eu particulièrement des personnes qui ont perdu un œil ou qui ont été vraiment gravement blessées et tout. Il y a des flics qui les reconnaissent, et particulièrement la BAC, et qui leur font des signes, genre t'es mort ou t'as vu, je t'ai à l'œil et tout, et qui se moquent d'eux en fait. Et vous voudriez que les personnes qui sont autour de ces personnes mutilées ne bronchent pas? Eh bien, figurez-vous que c'est ce qu'elles font 99% du temps. Elles ne bronchent pas à chacune de ces provocations. Mais des fois, elles craquent. Et vous, vous craqueriez pas si c'était votre môme à qui on faisait ce genre de scène, de signe? Est-ce que vous avez croisé le regard de la BAC à Nantes? Il y a 2 ans, je suis arrivée au début d'une manif. En fait, moi, je me tiens le plus loin possible de la BAC. Et là, je suis arrivée, en fait, je suis tombée sur les gens de la BAC. Et j'ai croisé leur regard. Et d'un seul coup, j'ai compris ce dont me parlaient mon grand-père et ma grand-mère, qui sont ceux qui m'ont élevée, quand ils me parlaient de l'occupation. Ce que j'ai vu dans le regard de la BAC, c'était le regard le plus haineux que j'ai jamais vu de ma vie. Mais pas un regard haineux, je te déteste, je te calcule plus. Non. C'est je vais te bouffer, je vais te matraquer, je vais te tuer. C'est ça qu'il y a dans le regard des personnes de la BAC. Et ils sont incontrôlables et ils sont eux aussi utilisés comme un outil, soi-disant, de maintien de l'ordre. Mais non, c'est pas ça qui se passe. Franchement, quand on croise un regard comme ça, on se dit que la société va super mal. Vraiment super mal. Mettre un pouvoir comme ça contre des personnes qui sont des opposants politiques, juste des opposants politiques, franchement, ça craint, quoi. Alors bougez-vous, je sais pas, mais en tous les cas, au moins, arrêtez de nous faire perdre notre énergie en bas, là, entre les personnes pauvres, les personnes qui sont plus pauvres que ci, plus pauvres que ça et tout. Sur le premier tour, hier, je suis passée par la foire pour m'imprégner un petit peu d'un truc de les autres mondes, en fait, tous ces mondes qui se côtoient et qui se connaissent pas. Et effectivement, par exemple, à la foire, le public comprend absolument pas ce qui se passe autour quand la manif arrive. Ils sont en mode, mais c'est quoi ce délire, quoi? Effectivement, entre nous, là, en bas, on est cloisonnés dans plein de monde. Et en fait, on n'arrive pas à faire la jonction entre ces mondes en bas en se faisant confiance, en se disant, ouais, bah peut-être que t'es pas cool sur plein de trucs, mais en vrai, c'est pas toi mon ennemi. Vraiment pas. T'es pas en train de me faire du mal, t'es pas en train de me vouloir du mal, sauf pour, voilà, les choses évidemment, genre manif pour tous et compagnie. Mais en dehors de ça, on s'entre-déchire pour le plus grand plaisir des mecs qui sont en haut. Je dis des mecs volontairement parce qu'en fait, voilà, ceux qui ont le plus de thunes et tout, c'est essentiellement des hommes blancs. C'est ça. Voilà. Faut vraiment qu'on se bouge le cul là et qu'on... Je sais pas comment. Je sais vraiment pas comment faire, mais je vais pas arrêter. C'est pas parce que je me suis fait gazer et que j'ai flippé ma race hier que je vais arrêter. Et c'est pas parce que je sens bien que ça va être de pire en pire, si tout le monde ne se met pas à bouger. Et ben malgré ça, je vais pas arrêter non plus, quoi, en fait. Et j'espère qu'il y en a plein qui vont se dire la même chose. Voilà. Ben, je vous dis à bientôt dans la rue. Et si je suis pas dans la rue, c'est que je suis pas loin en train d'aider à faire connaître ce qui se passe dans la rue. Parce que ça devient compliqué pour les personnes handicapées, effectivement, mais je continuerai à y aller quand même, quoi. Et puis, bah, je vous envoie plein d'amour, parce qu'en fait, c'est surtout pour ça qu'on se bat, toutes les personnes, là, qui sont dans la rue. On vous envoie vraiment plein d'amour, et on va y arriver, et on va remettre un petit peu d'horizontalité dans le partage des richesses, on va remettre un petit peu d'essence dans le traitement des autres. Dans le fait d'avoir plus de bienveillance entre nous en bas, quoi. On va y arriver. Salut.